Deuxièmement, plein ciel. Loin dans les profondeurs, hors des nuits, hors du flot, dans un écartement de nuages qui laisse voir au-dessus des mers la céleste allégresse, un point vague et confus apparaît. Dans le vent, dans l'espace, ce point se meut. Il est vivant. Il va, descend, remonte. Il fait ce qu'il veut faire. Il approche, il prend forme, il vient. C'est une sphère. C'est un inexprimable et surprenant vaisseau, globe comme le monde et comme l'aigle, oiseau. C'est un navire en marche, ou dans l'éther sublime. Rêve. On croit voir planer un morceau d'une cime. Le haut d'une montagne a, sous l'orbe étoilé, pris des ailes et s'est tout à coup envolé. Quel cœur immense, étant dans les destins sonnés, la nuit errante, c'est un vaisseau façonné. La fable apparaît-elle à nos yeux décevants? L'antique éole a-t-il jeté son outre au vent? De sorte qu'en ce gouffre où les orages naissent, les vents subitement domptés la reconnaissent? Est-ce l'aimant qui s'est fait aider par l'éclair pour bâtir l'esquif céleste avec de l'air? Du haut des clairs azurs vient-il une visite? Est-ce un transfiguré qui part et ressuscite, qui monte, délivré de la terre, emporté sur un char volant, fait d'extase et de clarté, et se rapproche un peu par instant pour qu'on voie, du fond du monde noir, la fuite de sa joie?